ça connaissait pas ça là. Elle n'avait pas froid, n'en avait pas l'air. We'll be right back. We'll be right back. envoie ton riff, envoie-le. Hey, hey, hey, shake, shake, shake, shake, shake. Oh, hey, hey, hey, hey. Ah non, pas celui-là. Non, on fait on improvise. Three, four. We'll be right back.